on la met iç boulette. Voilà iç boulette les gars. Voilà iç boulette. Cassez-vous les bougnoules. Voilà, iç boulette les gars. Voilà, iç boulette.